Aucune des fenêtres extérieures ne dépendait son logement. Cependant, il restait les yeux collés sur la façade, comme s'il avait cru, par cette contemplation, pouvoir fendre les murs. Maintenant, sans doute, elle reposait, tranquille comme une fleur endormie, avec ses beaux cheveux noirs, parmi les dentelles de l'oreiller, les lèvres entrecloses, la tête sur un bras. Celle d'Arnaud lui apparut. Il s'éloigna pour fuir cette vision. Le conseil des lauriers vint à sa mémoire. Il en eut horreur. Alors, il vagabonda dans les rues. Quand un piéton s'avançait, il tâchait de distinguer son visage. De temps à autre, un rayon de lumière lui passait entre les jambes, décrivait au ras du pavé un immense quart de cercle, et un homme surgissait, dans l'ombre, avec sa hotte et sa lanterne. Le vent, en de certains endroits, secouait le tuyau de tôle d'une cheminée. Des sons lointains s'élevaient, se mêlant au bourdonnement de sa tête, et il croyait entendre, dans les airs, la vague ritournelle des contredanses. Le mouvement de sa marche entretenait cette ivresse. Il se trouva sur le pont de la Concorde. Alors, il se ressouvint de ce soir de l'autre hiver, où, sortant de chez elle, pour la première fois, il lui avait fallu s'arrêter, tant son cœur battait vite, sous l'étreinte de ses espérances. Tout était morte, maintenant. Des nues sombres couraient sur la face de la lune. Il la contempla, en rêvant à la grandeur des espaces, à la misère de la vie, au néant de tout. Le jour parut. Ses dents claquaient. Et, à moitié endormi, mouillé par le brouillard et tout plein de larmes, il se demanda pourquoi n'en pas finir. Rien qu'un mouvement à faire. Le poids de son front l'entraînait. Il voyait son cadavre flottant sur l'eau. Frédéric se pencha. Le parapet était un peu large. Et ce fut par lassitude qu'il n'essaya pas de le franchir. Une épouvante le saisit. Il regagna les boulevards et s'affaissa sur un banc. Des agents de police le réveillèrent, convaincus qu'il, entre guillemets, avait fait la noce. Il se mit à marcher. Mais, comme il se sentait grand faim et que tous les restaurants étaient fermés, il alla souper dans un cabaret des Halles. Après quoi, jugeant qu'il était encore trop tôt, il flâna aux alentours de l'hôtel de ville jusqu'à 8h15. Des lauriers avait depuis longtemps congédié sa donzelle, et il écrivait sur la table, au milieu de la chambre. Vers 4h, M. de Sizy entra.